littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bonjour et bienvenue dans Rien à voir quoique sur Campus FM ou en replay, où vous voulez, quand vous voulez. Nous sommes le jeudi 26 avril, il est 18h. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Brice Marchal qui hoche la tête sur le morceau de Clara Motto. Il est illustrateur et graphiste à Toulouse à l'occasion de son exposition Otaquin, à découvrir jusqu'au 6 mai, et de ses illustrations dans le dernier clutch du mois d'avril, dont la couverture. Bonjour Brice Marchal, merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM. François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique en direct sur le 94 FM à Toulouse. Et on commence tout de suite avec l'humeur de Lou, comme tous les jeudis, d'une humeur Lou. Ça va aujourd'hui. Alors salut Anna, déjà parce que tu m'as même pas dit bonjour. Bonjour Anna. Ouais. Ouais, t'as oublié. C'était pas écrit. Et bonjour Brice Marchal. Alors moi je suis trop contente parce que du coup je me suis un peu renseignée sur vous pour les besoins de l'émission. Professionnelle. Et ça m'a rappelé plein de choses de mon adolescence. Il est vrai que plus jeune, en pleine crise d'acné et souvent après m'être fait larguer, il n'était pas rare que je m'exerçais quelque peu au dessin, histoire de faire passer mes frustrations, ma peine et mon envie de tuer ma mère à coups d'ispack, sac à dos phare des 12-17 ans. Bon alors on va pas se mentir, je dessinais pas très bien. Oui, je dis on va pas se mentir, ça fait beaucoup rire Anna. Donc on va pas se mentir, je dessinais pas très bien. Déjà en cours d'art plastique au collège, c'était relativement compliqué. Je comprenais pas bien l'idée des perspectives. Alors j'ai vite laissé tomber. Puis j'ai découvert qu'il y avait des gens qui gribouillaient des traits comme ça sur une toile et que tout le monde s'extasiait. Je me suis dit bah moi aussi je vais gribouiller des trucs comme pour faire passer une colère soudaine. Je m'enfermais dans ma chambre et je me prenais pour Nikki de Saint-Phalle, explosant des billes de peinture avec un fusil. Sauf que j'avais pas de fusil donc ça marchait pas trop. J'allais voir mes copains du collège pour leur montrer mes dessins et ils avaient un peu la même réaction que les parents quand leur gosse leur apporte un dessin et qu'ils sont un peu gênés, ou la même réaction que quand tu trouves un bébé moche mais que tu dis aux parents « Il est joli, oui, oui, quel joli bébé !» Mais moi je m'en foutais, je me disais que ça n'avait pas besoin d'être beau ou bien fait, que mon intention artistique se suffisait à elle seule. En fait, je voulais surtout copier ma cousine qui avait fait les Beaux-Arts de Toulouse et qui était super douée. Je me rappelle un jour, elle avait dessiné un pot de Nutella, j'en ai encore la chair de poule. Elle avait fabriqué des espèces de dunes en poudre de cacao, c'était magnifique. Bon, avec le temps, je me suis juste rendu compte qu'elle avait un problème avec le sucre et le gras. Et j'espère d'ailleurs qu'elle n'écoutera jamais cette chronique. Enfin bref, moi, j'ai un peu connu le dessin à travers Johann Sfar avec Le Chat du Rabbin, avec Marjane Satrapi, Persepolis, ou encore avec Riyad Satouf, avec sa bande dessinée L'Arabe du Futur. Et d'ailleurs, je suis tombée sur une émission qui s'appelle Crayon Papier, qui fait des interviews super mignonnes avec des dessinateurs et ils illustrent comme ça en parlant leur réponse, quoi. Et donc, Riyad Satouf explique. Mes premiers dessins, je crois que c'est ce que je raconte dans ma BD L'Arabe du Futur. Je crois que j'avais dessiné le président Pompidou. Et alors, je crois que j'avais fait un truc comme ça. En fait, j'avais pas vraiment dessiné le président Pompidou, mais j'avais dessiné un bonhomme vu de profil. Et en fait, c'est ma grand-mère qui avait trouvé que ça ressemblait à Pompidou. Et elle avait donc décrété que j'étais un génie parce que j'étais capable de dessiner Pompidou alors que j'avais 2 ans. C'est pas vraiment Pompidou. Pompidou, il est pareil, il était un peu plus gros. Ah, mais attendez, peut-être que j'ai du talent en fait, parce que petite, je dessinais hyper bien les poussins. Ah non mais c'est vrai. Bah je vous montrerai Brice après si vous voulez, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Oui, je veux bien. Bah, si vraiment je fais des familles. Je vous jure, je fais des familles de poussins entières sur un petit lac, je leur fais des petites pattes, je leur donne des petits noms. En plus je sais même pas pourquoi les poussins quoi, genre ça doit être un truc de l'enfance ça encore. Enfin bref, et du coup j'ai été voir vos créations et je me suis beaucoup reconnue dans l'illustration avec le cœur en sac poubelle. C'est vrai que ça m'a touchée quoi, je me reconnais beaucoup dans l'idée de la poubelle émotive. Ceci est un appel aux auditeurs de Campus, cœur à prendre, je répète, cœur à prendre. Donc mon numéro c'est le 07, non je le connais. Non bon, bref, moi j'aime bien vos illustrations parce qu'elles parlent de notre société et en couleur, et j'insiste sur la couleur parce qu'elle est sensible et donc elle nous touche. Et que serait, ou si j'en profite pour faire ce parallèle, mais que seraient les films d'Almodovar sans ses couleurs et son kitsch? Bah pas grand chose. En tout cas, je suis contente d'avoir découvert votre univers, Brice. Et moi, bah, je vais continuer à faire des poussins parce que bah, c'est ce que je sais faire de mieux, quoi. Il faut continuer. Merci Lou, on va revenir un peu plus tard dans le travail de Brice Marshall. On va écouter un morceau, Leave All Your Clothes, par le groupe Mi Mi. Qui va bien, que j'aime bien. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. On écoutait donc le morceau de Leave All Your Clothes par le groupe Mi Mi. Je ne suis pas sûre de la prononciation parce que ça s'écrit M2E et M2E. Ils sont en concert au Taquin le samedi 18 avril à 21h. Féminine et suave d'un côté, androgyne et belliqueuse de l'autre, écrit le Taquin. Fanny Marcon, auteure, compositrice, interprète, chanteuse et guitariste de Mi & Mi, dégage sur scène la vibration d'un soleil ardent, ajouté à cela l'élégance ténébreuse et nonchalante d'un mystérieux bassiste qui lui ressemble, et vous serez paré pour le décollage. Le Taquin, 23 rue des Amidonniers, c'est une salle de concert, mais c'est aussi un bar de quartier, un restaurant et sa terrasse à l'heure du déjeuner, un lieu atypique et chaleureux à Toulouse. Et enfin, le Taquin, c'est aussi le lieu où sont exposées les illustrations de notre invité Brice Marshall, à découvrir jusqu'au 6 mai inclus. Insistent bien sur le inclus. Brice Marshall, vous êtes né à Balma et puis vous êtes parti à Paris d'abord faire vos études de graphisme et communication visuelle à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art Olivier de Serres. Tout à fait. Ça, c'est à Paris. Et puis à l'École supérieure des arts appliqués du textile à Roubaix, dans le nord de la France. Et puis depuis 2 ans, vous partagez un atelier à Toulouse, dans le quartier des Carmes. De belles années d'études, ma foi. Et oui. Oui. Non, mais c'est pas mal, ça fait 2 ans, 4 ans de stage. 2 années à travailler sur Paris après mes études. Je suis revenu sur Paris et puis j'ai essayé de quitter Paris plusieurs fois et puis j'y suis parvenu et me revoilà à Toulouse, là d'où je viens. Dans une interview récente du magazine bienvubobby.com, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Ouais, mais non plus. C'est un magazine récent. Hein, Que web. Pour l'instant, oui. Vous racontez qu'à la base, vous étiez vraiment plus tourné vers le dessin et que pendant justement ces années d'études, vous avez découvert le graphisme, la typographie, la mise en page. Oui. Quelle différence vous faites entre le graphisme et l'illustration? Quelle différence il y a d'abord et quelle différence faites-vous ensuite? Quelle différence il y a? Dans le graphisme, il n'y a pas forcément de dessin. Enfin, en tout cas, comme vous l'avez dit, c'est, on apprend la mise en page, des règles de typographie. Ça va être appliqué ensuite à la construction de l'élaboration de visuels, mais qui ne, ou dans lesquels il n'y a pas forcément de dessin, et qui ensuite seront déclinés sur divers médias. Et puis, c'est aussi c'est du design en fait. Donc, Graphic design d'ailleurs. Voilà, maintenant. c'est de la conceptualisation. Alors, je sais pas si ça parle, ça, quand je dis ça, conceptualisation. Bon, des concepts de design, de graphisme. Et l'illustration, c'est du dessin. Toujours dans bienvubobby.com, vous expliquez encore quand vous travaillez dans une start-up de design de service à Paris, donc spécialisée dans les politiques publiques, le graphisme là est vraiment au service de quelque chose, ça permet de trouver un sens à ce qu'on fait et une utilité aussi forte et impliquée, engagée dans la société. Mais souvent l'objectif est de mettre l'accent sur l'esthétique et moins sur le message. Je me suis demandé quand même, les deux sont liés, le message et l'esthétique? Oui, complètement. Après, moi, par exemple, aujourd'hui, dans mes illustrations, j'ai quand même plus l'impression de donner de l'importance, en tout cas, au message. On peut prendre plaisir à dessiner quelque chose qu'on estime beau, esthétique. Et on peut prendre aussi plaisir à un niveau différent, qui est celui de vouloir faire passer un message, une idée. Et j'ai l'impression que moi, dans mes illustrations, en tout cas mon travail personnel, pour l'instant, l'esthétique est presque moins importante que le message. Disons que ce qui m'importe davantage, c'est faire passer le message. Et bien sûr, le message est porté par l'esthétique. Mais... Donc d'un côté, si j'ai bien compris, vous êtes designer graphique avec la création de logos, d'identité visuelle, création de sites web pour des clients, des entreprises ou des associations. Donc ça, c'est un peu votre boulot. Je fais aussi de l'illustration. Qui vous rapporte des sous, quoi. Exactement. Fait, c'est ça. Voilà. Et de l'autre côté, vous partagez un travail plus personnel. Alors là, sur Internet, sur Instagram ou Tumblr. Et c'est ce travail-là que vous montrez au taquin. Et c'est ce travail-là voilà. qu'on a pu voir dans le dernier Clutch. Oui, tout à fait. Donc la griffe culturelle toulousaine hein, que tout le monde connaît, qui fait son agenda sur les ondes de campus. Donc là, vous avez fait la couverture et quelques pages intérieures sans texte ni légende. Ces mêmes illustrations que les plus chanceux, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à cette soirée. On peut voir sur des grandes affiches. Alors, je ne sais pas le format, parce que je n'ai pas pu rentrer à cette soirée. C'était la dernière soirée Clutcho au couvent des Jacobins. Ouais. Ces affiches-là, ce sont des affiches qui font 60 par 80 cm. Alors j'aurais voulu les tirer plus grandes pour les exposer aux Jacobins. Et puis comme elles sont parties maintenant au taquin, le lieu est quand même moins adapté à des très grands formats. Donc j'ai opté pour un format un peu moindre. Voilà, disons que pour l'exposition aux Jacobins, j'avais un peu peur que le lieu, qui est quand même très impressionnant, que mes affiches, que mes dessins se retrouvent finalement tout petits au milieu de tout ça. Et puis non, je crois que ça a bien vécu. Il y avait combien d'affiches en tout? Je crois 16, 17. Et puis... Et puis il y a aussi l'aspect scénographique qui a joué et qui pareil finalement c'est a très bien. C'est vous qui avez décidé de les mettre là ou là? Oui. Alors après il y avait beaucoup de contraintes techniques. C'est un lieu historique. On pouvait pas toucher au mur. Il fallait que les illustrations, les affiches soient exposées sur des portants, enfin en tout cas une structure autoportante. Il y avait aussi la contrainte de la lumière. Donc je me suis débrouillé avec ça, avec l'aide de certaines personnes du Clutch d'ailleurs. Et puis je trouvais que finalement dans la scénographie que j'ai pensée, qui était aussi la plus simple, je pense, Moi, il y avait quelque chose qui vivait bien avec le lieu, qui accompagnait bien en fait l'architecture du lieu, parce qu'on se retrouvait avec des grands tasseaux comme ça de plus de 2 mètres qui accompagnaient en fait la verticalité, les colonnes qui rappelaient les colonnes de l'espace dans lequel j'exposais. Alors je vais me permettre de citer nos amis du Clutch à propos de votre travail. Ils disent « Entre couleurs et contrastes très marqués et design minimaliste, les illustrations de Brice Marchal éclatent de prime abord avec leur pétillement pop. » Donc je me suis demandé qu'est-ce que c'est que ce pétillement pop dont parle Baptiste Austré dans Clutch. Alors je pense que c'est eux qui ont vu qui l'ont traduit comme ça, enfin qui ont vu cet aspect pop dans mes illustrations. Moi je sais pas si je suis pop, enfin peut-être, enfin en tout cas je pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est un univers très coloré. Je crois que cet aspect coloré, en fait, il est venu petit à petit et il est de plus en plus présent, et il est présent depuis pas forcément très très longtemps, puisqu'avant j'ai été plus du côté d'un dessin noir et blanc. Peut-être que ça se rapprochait plus de l'esprit de Johannes Farr, on en parlait tout à l'heure. En fait, le contact finalement avec mon métier, mes commandes, les commandes que j'ai l'habitude de traiter, m'a amené en fait à travailler beaucoup la couleur, et voilà, m'a amené dans ce, pour moi c'était c'est presque un terrain inconnu, la couleur, à la base. J'étais pas du tout porté sur la couleur. Et puis non, en fait ça m'amuse bien, et puis j'aime bien ce décalage en fait. Alors vous utilisez des grands aplats de couleurs, une gamme de couleurs on peut dire assez sobre pour chaque image, parfois il y a une seule couleur décliné en plusieurs nuances, aucun trait justement, les personnages qui n'ont pas d'yeux, pas d'image. Aujourd'hui vous travaillez plus qu'à l'ordinateur, ces images-là? Pour l'instant oui. Est-ce que c'est l'ordinateur qui vous a guidé vers cette technique, vers ce style-là? Oui, je crois. Oui, tout à fait en fait. Bon, on peut le faire à la gouache, mais, hein. Il y en a qui le font voilà, à la gouache. Mais voilà, en fait, pour l'instant, je le fais à l'ordinateur, mais c'est pas du tout exclu que je me dirige ensuite plutôt que je retourne à un traitement plus traditionnel. Mais ce qui est certain, c'est qu'en étant passé par l'ordinateur, en fait, la machine m'amène à découvrir cette façon de faire, même si après je pense que je baigne aussi dans une culture graphique qui m'inspire dans laquelle on retrouve en fait ce genre de travail. Après, est-ce que c'est dû à la machine, toujours peut-être? Concrètement, vous dessinez directement sur l'ordinateur ou vous scannez quand même un dessin que vous colorisez ensuite? La plupart du temps, c'est direct. Et puis, en fait, c'est une approche quand même assez différente du dessin, du coup, en direct. Vous parlez de transposition numérique, des méthodes de découpage et de sculpture qui jouent sur les contrastes. Ouais, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si, par exemple, il y avait un sculpteur qui... Je sais pas ce que dirait un sculpteur, en fait. Mais... et puis moi, j'ai rarement fait de la sculpture. Hein, mais j'ai quand même cette sensation que ça mixe, en fait, à la fois le dessin, disons que l'approche première, quand je conçois une image, elle est plus de l'ordre du dessin, donc au trait. Et puis, ensuite, quand je vais créer les formes, en fait, je vais venir les redécouper, les retailler. Et puis aussi, je peux me permettre de recomposer les images et de jouer avec des éléments, ces éléments qui sont découpés, en fait. Et alors, pourquoi pas d'yeux et pas de bouche? Bonne question. J'ai pas vu ça tout de suite, j'ai dit, tiens, c'est marrant. Bonne question. Oui, il y a, c'est assez. Est-ce que c'est justement à cause du trait? Après, vous pourriez mettre une tache de couleur pour le, pour la bouche. Il y a quelque chose de désincarné, ouais, dans mes illustrations. Alors que, en fait, dans mes, souvent dans mes commandes, mes illustrations de commandes, souvent, on me demande justement que ce soit le plus incarné possible. Alors, je sais pas si, je peut-être, est-ce que c'est une est-ce que c'est une réaction peut-être pas, pas de réponse. Et je pense que si les traits du visage, les yeux doivent apparaître, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est, voilà, c'est que ça doit participer au message. Or là, en fait, je suis dans une économie de moyens aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que ça ne sert pas forcément le propos, pour, en tout cas dans mes images récentes que j'ai, que j'ai dans mes images personnelles et récentes que j'ai, je les ai sous les yeux, chers auditeurs. Il y en, ouais, y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes. Mais moi ça me rappelle un peu, ça me fait penser un peu, mais je pense parce qu'il y a beaucoup de couleurs et tout et des formes un peu comme ça, justement au travail de Niki de Saint-Phal. Si vous, c'est celle qui a fait les nanas. Oui. Voilà. Oui. Ah bah d'accord. Et mais, oui. Je sais pas de quoi tu parles. Et je parce que c'est très coloré aussi. Parce que c'est très coloré, oui. Même au niveau de la forme et tout, des trucs un peu désincarnés finalement. Le message est hyper fort, quoi. Voilà. Ouais, j'ai pas posé la question des influences parce que je pense qu'il y en a énormément. Bah oui, bah alors il y en a quelques-unes qui sont quand même assez présentes. Il y a, je pense, Roland Topor, qui ces derniers temps m'a quand même beaucoup inspiré dans l'esprit et puis dans le message, dans les messages qu'il fait passer. C'était un dessinateur de presse, notamment. Et récemment, encore plus récemment, il y a un artiste qui s'appelle François Barre aussi. J'aime beaucoup, c'est un peintre. J'aime beaucoup les cadrages, en fait. Puis il crée des images très, très... très, très forte comme ça, on est souvent près de on se trouve près des détails qui sont mis dans qui sont dont l'échelle en fait est agrandie. Ouais, c'est impressionnant. J'aime bien ce travail là, ouais. Merci Brice Marchal. On va faire une pause musicale avec un morceau du contrebassiste Avishai Cohen. Le morceau de votre choix d'ailleurs s'appelle Morenica. Aman lo otra vez a mí me aman, me doy con ellos. Morenica, graciosica sos, tu morena, yo gracioso, yo yo. Direct, on écoutait Morenica par le contrebassiste Avishai Cohen sur son album Aurora. Il est sorti en 2009. Attention à ne pas confondre avec son homonyme, le trompettiste, qui lui est en concert d'ailleurs pendant le festival Jazz en Comminges du 9 au 12 mai 2018 à Saint-Gaudens. Nous avons reçu le président du festival, Pierre Jam, dans Rien à voir quoique, il y a peu. Et nous poursuivons notre conversation avec Brice Marchal, illustrateur et graphiste à Toulouse à l'occasion de son exposition Au Taquin, à découvrir jusqu'au 6 mai inclus. C'est un dimanche le 6 mai, c'est pour ça qu'on dit inclus ? Je crois, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dimanche. Dimanche, apparemment. Pourquoi le choix de ce morceau, Brice Marchal ? Vous avez eu du mal à choisir un morceau ? Ouais, c'est vrai, mais il y a beaucoup de morceaux que j'écoute un peu en boucle. Pourquoi ? Alors, bon, là, on aurait pu passer tout l'album, hein, Aurora. Hein, parce qu'il est... Super beau. Non, mais je l'adore. Est-ce qu'il y a un lien avec la musique et l'illustration ? Ouais, j'étais sûr que vous alliez me poser la question. Non. Et est-ce que... Ouais, mais quand vous écoutez la musique et que vous dessinez ? Est-ce que je dessine en musique ? Bonne question. Pas toujours. Non, mais ça doit influencer quand même. Bah oui, ça doit influencer, mais après... Non, celui-là, c'est juste un morceau que je trouve hyper beau, voilà. S'il n'y a pas de derrière de message tellement politique, donc c'est quand même... J'imagine, parce que ouais, on pourrait avoir des morceaux beaucoup plus engagés qui m'amèneraient sur un... Parce que oui, vos illustrations touchent à des sujets de société, de politique, d'économie. Vous avez envie, je cite, de questionner et provoquer des réactions pour ouvrir un débat avec des images proches de l'absurde ou de la satire en tentant de vous rapprocher du dessin de presse. Alors parfois vous parlez de caricature, mais j'ai l'impression que dessin de presse et caricature... Peut-être un peu confusant. Ouais. Que c'est... Enfin, caricature, on voit les trucs vraiment oui. égronés, les... oui. alors que le dessin de oui, presse... Oui, mais souvent, voilà, quand j'explique ce que je fais... Ouais. Ouais, non, mais même quand je parle de dessin de presse aussi, on me dit ah oui, les petits bonhommes avec les. Avec les gros nez du. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais. Donc c'est pas ça, c'est quoi le dessin de presse ? Alors, non, le dessin de presse pour moi, enfin, c'est. Non, celui que les gens entendent quand j'en parle, je veux dire, c'est, oui, les dessins en noir et blanc. Oui, mais le vôtre, alors. Le mien ? Bah, déjà pour l'instant, c'est pas. Alors, à proprement parler, c'est pas encore du dessin de presse. Parce que ces dessins-là, ils sont, ils vivent simplement sur mes réseaux, sur là où je les poste en fait, presque. mais à d'autres endroits ils existent, mais c'est pas encore dans les médias, c'est pas encore dans, j'ai plus de magazine papier, dans la presse. Je pense que les pauvres. Alors à ce moment-là, ça se situerait peut-être plutôt au niveau du message en fait qui est véhiculé, comme vous le disiez, donc des essayer de traduire des enjeux de société, des questionnements. Le taquin dit que vos images pensées indépendamment des unes des autres, donc comme des affiches, finissent par se répondre et s'enrichir, notamment au gré de vos lectures. Alors vos lectures, Chris Marshall. Eh ben, en fait, du coup, ces illustrations, elles proviennent donc surtout de mon inspiration, c'est en ce moment en tout cas, c'est plus mes lectures qui sont des essais d'économie ou en tout cas de prospective. Ouais, voilà. Vous avez écrit, j'ai lu dans Clutch, votre premier mémoire, donc déjà, est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Il portait sur le transhumanisme et l'écologie. Mais ça, c'était pas vos études de graphisme? Si. Ah ouais? Racontez-nous. Alors, parce qu'en fait, donc c'est. D'abord, j'ai fait 2 ans de graphisme où c'était plus, on va dire, de l'ordre technique, et ensuite 2 autres années où c'était plus développer notre potentiel de direction artistique. Donc on avait un mémoire à écrire, et je suis parti dans quelque chose qui, sur le moment, m'a un peu surpris ou déstabilisé. Et puis en fait, je m'aperçois que c'est complètement complètement moi, ces réflexions là puisque maintenant je retrouve ces thèmes là en fait, ça me suit quoi, ces thèmes là me suivent dans mes illustrations aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je vous raconte plus de choses sur cette histoire de mémoire? Non, vous en avez écrit d'autres, parce que vous dites dans mon premier mémoire j'ai dit. Ah ben je sais pas si j'ai dit dans mon premier mémoire ou peut-être, donc il s'est écrit comme ça, donc peut-être que je l'ai dit comme ça. Non, il y a eu un seul mémoire. Mais vous avez eu les félicitations. Oui, au final. Bravo. Oui. Alors dans ce fameux dernier Clutch, vos images ne sont pas légendées. Alors effectivement, vos images n'ont pas besoin de légende, elles parlent d'elles-mêmes, mais elles le sont au taquin. On peut y lire par exemple... La fabrique du conformisme, nos inconscients numériques, comment les infrastructures transforment notre esprit, avancées masquées, regardez plutôt par là, entre fake news et impératif de neutralité, ou le très personnel looking for myself. Les mots, les légendes ajoutent du sens quand même à vos images. Justement, on parlait du dessin de presse tout à l'heure. Oui, alors je crois que dans le magazine Clutch, j'ai finalement opté pour ne pas les mettre, pour laisser les gens voir ce qu'ils avaient envie d'y voir. Et c'est vrai que finalement, on peut faire parler une image, on peut lui faire dire beaucoup de choses à une même image selon les mots qu'on lui donne. Voilà. Ouais. Mais il y avait cette volonté de pas trop orienter, parce que j'aime bien que j'ai conscience que l'image a plusieurs sens, et j'aimais bien l'idée que les lecteurs puissent s'emparer de ce sens-là. Et après, je les ai nommés au taquin. Parce que par exemple, on peut voir au taquin une image d'un poisson coloré qui a l'air plutôt en forme. Il est dans un sac vraisemblablement en plastique, rempli d'eau. Sauf que le sac est percé des deux côtés et que l'eau s'échappe des deux côtés du sac. Donc il semblerait que le poisson ne vive pas très très longtemps. Et la légende, c'est: peut-on sortir des stratégies de court terme? On a quand même l'impression qu'avec cette image, vous répondez à cette question. Par non. C'est ça. Disons par une inquiétude vis-à-vis de cette question. Cette question-là, en fait, c'est une question que j'ai trouvée notamment dans un essai de prospective d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Simonin, que j'ai rencontré l'année dernière, je crois, autour d'un verre, parce que j'étais intéressé par par ces questions-là, et je savais que lui avait écrit, donc en tout cas un premier livre, et là il en a écrit deux autres, notamment donc c'est sur le thème de l'anthropocène. Et puis voilà, donc cette question-là, en fait, c'est une question que lui aussi pose et à laquelle on n'a pas de réponse, mais qui inquiète quand même. Donc cette image, elle est un peu inquiétante. Oui, parce que là, il n'y a pas trop d'échappatoire, quoi. Genre, je veux dire, le sac se vide. Ah oui, le sac se vide. On voit bien sur l'image le sac. On n'a pas la réponse pour l'instant de ce qu'il faut faire. Non, c'est une question, c'est vrai que vous posez la question, on peut débattre. Non, voilà. D'ailleurs, est-ce que pendant la soirée Clutchot, quelles étaient la réaction des visiteurs? Ils venaient faire la fête ou est-ce qu'il y avait une surprise devant vos images? Moi, j'ai eu beaucoup de gens, oui, qui... j'étais surpris d'avoir les gens qui venaient me dire « Ouais, franchement, c'est ce... » Ce message-là, c'est vraiment ce que je pense, ou bien vous avez précisé quelque chose que je pensais mais que j'arrivais pas à conceptualiser. Je pensais que les gens s'attacheraient plus justement à l'aspect esthétique. Et vous avez eu une carte blanche avec Clutch pour la version papier? Oui. Sauf pour la sélection des images, c'est vrai que... Des images que vous aviez déjà faites. Elles n'ont pas été faites pour le magazine. Non, c'était pas une commande. Au départ, j'avais sélectionné certaines autres images, et puis on s'est mis d'accord pour cette sélection-là aussi, avec le Clutch, qui... Ils ont leur mot à dire aussi, parce que c'est leur magazine. Puis moi, j'étais... À leur écoute aussi. Et au Taquin, c'est un bar, c'est une salle de concert. Est-ce que c'est pas forcément un lieu idéal pour exposer? Vous parliez de lumière tout à l'heure au couvent des Jacobins. Ouais, alors c'est un lieu que j'ai découvert il n'y a pas énormément de temps, mais que j'aime beaucoup. Et donc j'avais envie d'exposer là-bas, simplement parce que je suis attaché à ce lieu. Le vernissage s'est bien passé, c'est important pour un artiste. C'est angoissant, c'est amusant de présenter son travail. Non, c'est pas angoissant, c'est plus angoissant de passer à la radio, par exemple. Et c'était le dimanche des vacances, donc il y avait pas full, disons qu'il y avait moins de monde, c'est sûr, que qu'à la Clutch Show, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Mais ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Est-ce que vous avez un projet d'édition autour de ce travail personnel? Non. Avec une petite légende, petite image, petite légende. Quand vous parlez d'édition... De livres. De catalogue. Ah, un catalogue, ouais, un joli catalogue. Ouais. Ces images-là, quand je les ai faites, je comptais pas les faire vivre dans des lieux d'exposition. Ni même qu'elles puissent être imprimées, et encore moins en grand format. De par ma formation, je vais spontanément vers des images qui peuvent être traitées visuellement, qui ont assez d'impact pour être grandes. La question, c'était... Est-ce qu'il y a un projet d'édition papier? Et le projet d'édition. Comment ils vous ont trouvé, Clutch? Vous connaissez? Je leur ai envoyé mon portfolio l'année dernière. Et puis j'avais complètement oublié. Puis ils m'ont recontacté il y a pas longtemps. Et... Est-ce qu'on peut acheter vos tirages? Oui, vous pouvez. Cool. Alors, a priori, moi, ces tirages-là... Alors, au Taquin, ils sont exposés sur un support, mais a priori, moi, je les vends séparés. Donc, je vends juste l'affiche. Voilà. Après, je peux aussi me débrouiller pour les faire contre-coller, mais il y a un tarif plus important, du coup. Normal. Est-ce qu'on peut vous rendre visite dans votre atelier que vous partagez? Alors, vous allez devoir m'aider pour le nom de Gwendoline. Gwendoline Chepich. Voilà. Catherine Douenel, Laurence Maigret et Marie-Pierre Hortnes. Alors, elles sont graphistes indépendantes comme vous. Il y a aussi Mathieu Roussel, illustrateur 3D. Et alors, rien à voir, quoique. Sophie Manon, elle est chef de projet dans un laboratoire de recherche dans le domaine médical. C'est important de travailler en atelier quand on est indépendant. Ouais, bah, pour moi, c'est vraiment essentiel. Alors, je m'imagine plus travailler seul chez moi. Non, c'est. Ça vous arrive de collaborer ensemble? Ouais, sur des projets de graphisme. Ouais, ça nous arrive. Après, Marie-Pierre et Laurence, elles ont l'habitude de collaborer plus souvent entre elles, puisqu'elles ont une structure qui s'appelle Atelier Jam Jam. Mais ouais, on partage en fait le travail. Et on peut vous rendre visite? Et vous pouvez me rendre visite et boire un café. L'atelier est très sympa, il est au Carme. Ouais, c'est bien. Oui, je vous ai pas posé la question de ce retour à Toulouse. Ça a changé quelque chose dans votre travail? Je crois que ça m'a permis déjà de me dégager du temps pour moi. Et du coup, de revenir en fait ce qui pour moi sont les fondamentaux au dessin, quoi. Merci beaucoup, Brice Marchal, d'être venu faire un tour dans Rien à voir, quoique. Alors, je rappelle que votre exposition au Taquin est à découvrir jusqu'au 6 mai inclus. Car le Taquin est aussi un lieu d'exposition. On peut acheter ses tirages sous forme d'affiches ou sous forme de contre-collés, mais c'est plus cher. On peut voir votre travail personnel sur Instagram ou Tumblr. Vous n'avez pas de site internet à proprement parler? Si, j'en ai un, mais il est caché. D'accord. Donc, si on veut un tirage... Il faut m'envoyer un mail ou me téléphoner. Donc, normalement, au Taquin. Au Taquin, ouais. Au Taquin, vous avez les informations qui... Il y a votre carte de visite. Peut-être qu'il en reste encore un peu. Mais sinon, il faut demander aussi. Et normalement, eux, ils ont les informations. Peut-être si vous allez sur la page de Rien à voir, quoique, et que vous m'envoyez un petit message. Je vous le donne. Merci, Lou. On écoute un morceau du groupe Nantais Inuit. Le morceau s'appelle Anne. Mais rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. State of solitude and woe. Continent, my bliss to see. And only dreams can bring again the darling of my heart to me, darling of my heart to me. Dans Rien à voir quoique, on vient d'écouter le morceau Anne par le groupe nantais Inuit, révélé aux Inouïs du printemps de Bourges en 2016. Et ils sont en concert à Toulouse au Connexion Live demain, vendredi 27 avril à partir de 20h, avec également le duo indie pop toulousain Méhari. Le Connexion Live, vous connaissez, c'est 8 rue Gabriel Péri. Vous pouvez réserver vos places sur le site du Connexion Live, www.connexionlive.fr, ou celui du bikini, www.lebikini.com. Restez branchés sur Campus FM, on vous offre des cadeaux. Mieux vaut penser à rien qu'une pas pensée du tout. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Rien c'est déjà beaucoup. Rien à voir quoique, Fumi Kuti est un artiste qu'on ne présente plus, fils de Fela, inventeur de l'afrobeat. Chez les Kuti, la tradition musicale se transmet de père en fils. Sur son 10e album déjà, Femi présente un message d'espoir et de réconciliation, sans abandonner ses convictions, sa pugnacité et la dimension combative de sa musique. One People, One World vient de sortir en février dernier chez Partisan Knickin Factory. Et Campus FM vous offre des places pour le concert au Bikini. Alors c'est pas tout de suite, c'est le mardi 15 mai. C'est à partir de 20h. Le Bikini, c'est rue Théodore Monod à Ramonville. Vous pouvez nous appeler tout de suite au 02 53 83 76 09. Je répète parce que le numéro de Campus, pas facile à retenir. Le 09 53 83 76 09. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller sur le site de Campus FM. Si vous êtes derrière votre ordinateur, Lou attend vos appels. Nigerians were profiting from the oil many jubilating on the dance floor. Our father fella cited corruption and warned against economic destruction. Say with all our oil money, too many Nigerians were suffering and poor. Instead, make our leaders listen, them beat them and lock them for prison, using austerity and inflation to cover corruption and stealing. Political criminals walk around free, leaving the country in misery. Africa will be great again, where peace and love will reign. Africa will be great again. Africa will be great again when corruption stops and our country politicians stop the dead chop. Africa will be great again. Africa will be great again when we have first class institutions, infrastructures, and not political destruction. Africa will be great again. Africa will be great again. Africa will be great. On attend vos appels au 09 53 83 76 09 pour gagner des places au Bikini le mardi 15 mai à 20h pour le concert de Femi Kuti avant de se quitter. est l'heure de se quitter. Un grand merci encore à notre invité Brice Marchal, beaucoup plus décontracté depuis que l'interview est terminée. Ah ouais, ça va mieux. Merci d'être venu. Merci Lou. De rien. Merci François à la réalisation technique de l'émission. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur le Mixcloud de Campus dès demain. Ou sur la page Facebook de l'émission, sur Twitter aussi, quoique je ne tweete pas beaucoup. Mercredi prochain. Mercredi ? Eh oui, parce qu'on a un pont là. Qu'on a un pont. Je suis OK de savoir toute notre journée alors. Il faut attendre mercredi pour le replay de l'émission, François. C'est super long, c'est n'importe quoi. Excusez-nous, chers auditeurs, on a une aparté à l'antenne. Donc, il faudra attendre mercredi parce qu'il faut faire de la post-production. Je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de Campus FM.